Le lendemain, j'allai rue du Candilero. Carmen se fit attendre et vint d'assez mauvaise humeur. « Je n'aime pas les gens qui se font prier, dit-elle. Tu m'as rendu un plus grand service la première fois, sans savoir si tu gagnerais quelque chose. Hier, tu as marchandé avec moi. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, car je ne t'aime plus. Tiens, va-t'en, voilà un duro pour ta peine. » Peu s'en fallut que je ne lui jetasse la pièce à la tête, et je fus obligé de faire un effort violent sur moi-même pour ne pas la battre. Après nous avoir disputé pendant une heure, je sortis furieux. J'irai quelque temps par la ville, marchant de ça et de là comme un fou. Enfin, j'entrai dans une église, et m'étant mis dans le coin le plus obscur, je pleurai à chaudes larmes. Tout d'un coup, j'entends une voix. « L'arme de dragon, j'en veux faire un filtre. » Je lève les yeux. C'était Carmen, en face de moi. « Eh bien, mon pays, m'en voulez-vous encore ?» me dit-elle. « Il faut bien que je vous aime, malgré que j'en ai, car, depuis que vous m'avez quitté, je ne sais pas ce que j'ai. Voyons maintenant, c'est moi qui te demande si tu veux venir, rue du Cantilero. » Nous fîmes donc la paix. Mais Carmen avait l'humeur comme est le temps chez nous. Jamais l'orage n'est si près dans nos montagnes que lorsque le soleil est le plus brillant. Elle m'avait promis de me revoir une autre fois chez Dorothée. Elle ne vint pas. Et Dorothée me dit de plus belle qu'elle était allée à La Loro pour les affaires d'Égypte. Sachant déjà par expérience à quoi m'en tenir là-dessus, je cherchais Carmen partout où je croyais qu'elle pouvait être et je passais 20 fois par jour dans la rue du Cantilero. Un soir, j'étais chez Dorothée, que j'avais presque apprivoisée, en lui payant de temps à autre quelques verres d'anisette, lorsque Carmen entra, suivie d'un jeune homme, lieutenant dans notre régiment. « Va-t'en vite, me dit-elle en basque. » Je restais stupéfait, la rage dans le cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» me dit le lieutenant. « Décampe, hors d'ici !» Je ne pouvais faire un pas, j'étais comme perclus. L'officier, en colère, voyant que je ne me retirais pas et que je n'avais pas même ôté mon bonnet de police, me prit au collet et me secoua rudement. Je ne sais ce que je lui dis. Il tira son épée et je dégainai. La vieille me saisit le bras et le lieutenant me donna un coup au front dont je porte encore la marque. Je reculai et d'un coup de coude, je jetai Dorothée à la renverse. Puis, comme le lieutenant me poursuivait, je lui mis la pointe au corps et il s'enferra. Carmen alors éteignit la lampe et dit dans sa langue à Dorothée de s'enfuir. Moi-même, je me sauvai dans la rue et me mis à courir sans savoir où. Il me semblait que quelqu'un me suivait. Quand je revins à moi, je trouvai qu'Carmen ne m'avait pas quitté. « Garnier de Canaries, me dit-elle, tu ne sais faire que des bêtises. Aussi bien, je te l'ai dit que je te porterai malheur. Allons, il y a remède à tout, quand on a pour bon ami une flamande de Rome. Commence par mettre ce mouchoir sur ta tête, et jette-moi ce ceinturon. Attends-moi dans cette allée, je reviens dans 2 minutes. » Elle disparut, et me rapporta bientôt une mante rayée qu'elle est allée chercher je ne sais où. Elle me fit quitter mon uniforme et mettre la mante par-dessus ma chemise. Ainsi accoutré, avec le mouchoir dont elle avait bandé la plaie que j'avais à la tête, je ressemblais assez à un paysan valencien, comme il y en a à Séville, qui viennent vendre leur orgeat de choufas. Puis, elle me mena dans une maison assez semblable à celle de Dorothée, au fond d'une petite ruelle. Elle et une autre bolivienne me lavèrent, me pensèrent mieux que n'eût pu le faire un chirurgien-major, me firent boire je ne sais quoi, enfin, on me mit sur un matelas et je m'endormis.